Siamak, le la bande avec Franck Emmanuel et Philippe pour le lycée Fénelon. Voilà, on va essayer de se mettre tout ce beau monde un peu ensemble. Et voilà. Merci. Donc l'idée, c'est qu'il y ait deux paroles au début et qu'après on puisse s'ouvrir sur des questions, des choses à rajouter de votre part, des remarques, etc. Enfin, que ce ne soit pas que des prises de parole qui s'enchaînent parce que sinon après on perd un peu le fil. Donc si vous avez des réflexions qui viennent, ce n'est pas forcément des questions pratiques, des choses à apporter, des... Après, une fois que les trois personnes auront parlé, on s'est dit à peu près 7 minutes, je crois, ce qu'il a dit. Enfin, j'ai pas de chronomètre, donc voilà. Après, vous me ferez un signe de main et moi, mon rôle, ce sera de vous faire passer le micro. Voilà, donc c'est toi qui commence. Ok. Le fil de la journée? Ouais, parce que là, on a plus de ce qui s'est passé ici, la lutte ici, et on voulait ouvrir aujourd'hui sur la notion d'autonomie alimentaire. Alors bon, parce que ça s'est intensifié pendant le moment du Covid, de voir comment est-ce que l'approvisionnement peut se faire, de voir que la plupart des récupérations alimentaires, c'est pas des choses de qualité. Donc ça va être en deux parties un peu aujourd'hui. La première partie justement qui part un peu de la lutte ici, du projet Karma, pour aller vers qu'est-ce que l'autonomie alimentaire. Et sur la deuxième partie, on produit une bonne alimentation en Île-de-France et comment on met en lien la solidarité alimentaire. Donc pas seulement une alimentation de qualité chère, c'est ça aussi. Et ça, ce sera donc la deuxième partie. Tu veux rajouter il est où? Non, c'est bon? Vas-y. Merci. Donc, 1, 2, 2, ah voilà. Donc, je m'appelle Siamak. Donc, ça fait maintenant plusieurs années que je suis avec le collectif pour le Triangle. Et parler un peu de karma, puisque, comme l'a dit Bernard tout à l'heure, il y a donc effectivement un projet pour ces terres agricoles, de relocaliser et de redonner donc de l'alimentation pour les populations du 93 et du 80. Alors, Karma, c'est né en 2016, hein, donc ça vient bien sûr en complément de la lutte pour le Triangle. On a élaboré ce projet pour répondre en fait au début au Réinventons la métropole, qui avait été relancé donc par la métropole du Grand Paris. On s'était positionné sur 15 hectares sur le Triangle pour en fait proposer du maraîchage à destination puis locaux. Et petit à petit, le projet, bah, il a évolué, il s'est agrandi et il s'est étalé sur les 370 hectares qui sont donc au sud du triangle, hein, puisque le triangle est divisé en deux parties. On a une partie au nord, zone d'agriculture protégée, hein, donc qu'on n'a pas le droit de toucher, et puis il y a toute cette partie-là donc, qui était sous le joug d'Europa City, mais aussi donc de la ZAC, des 300 hectares de la gare, etc. Alors, Karma, en fait, c'est un groupe de chercheurs. Il y a urbanistes, il y a des agronomes, il y a des géographes, il y a des chercheurs aussi qui se posent des questions. Donc tout ce beau monde fait partie de l'économie sociale et solidaire et propose un projet qui soit en quatre étapes. Donc l'idée c'est de combiner quatre pôles, un pôle de production hein, qui serait basé, le cœur serait basé ici sur le triangle, un pôle de transformation, hein, donc c'est de réutiliser en fait toutes les friches industrielles, et Dieu sait qu'il y en a, on va pouvoir en parler tout autour du triangle, hein, énormément de zones d'activité, énormément de zones industrielles. On a la friche Citroën qui est juste derrière là-bas et qui représente près de 200 hectares. Donc on a énormément de vacances. Et donc, pour ça, on aimerait faire de la produit localement. Et ensuite, eh bien, un pôle de distribution, en lien avec, bien sûr, le 93, le 95 et Paris. Et puis, un pôle de revalorisation, hein, puisque voilà, il faut boucler. Et donc, on récupère les biodéchets et on en fait du compost, de l'engrais, et ça repart pour la production. Donc, ça, c'est l'idée de base hein, de Karma. Alors, voilà, c'est résumé ici un magnifique schéma avec donc, les quatre pôles. Hein, vous voyez, production, transformation, revalorisation. Et donc, autour de ces idées, eh ben, il y a plein de partenaires qui sont venus s'agréger en fait, à notre projet hein, petit à petit. Donc, on a bien évidemment ceux qui nous ont suivis depuis longtemps, comme Terre de Liens, hein, qui ont permis de construire le projet. On a Alage, on a le réseau des AMAP, le réseau Cocagne. Et tout ce petit monde hein, continue son travail, comme le disait Bernard tout à l'heure, hein, on a un rapport qui est en train d'être rédigé en ce moment par un haut responsable, hein, qui va rendre ce rapport normalement ce mois-ci. Donc il travaille dessus depuis maintenant 6 mois, hein, depuis l'abandon d'Europa City. Et nous, on a rédigé 2 rapports, 2 dossiers en fait, hein, proposé 2 projets pour le triangle, c'est celui dont on vient de parler, et puis un qui s'appelle Rhizome, qui en fait comporte plus largement la plaine de France, hein, puisque ce constat, en fait, c'est un constat qui est partagé pas seulement à Gonesse, mais aussi dans toutes les communes qui sont alentours. Hein. On va parler d'Aulnay-sous-Bois, on va pas parler du Bourget, on va parler de Goussainville, etc. Donc toutes ces villes qui sont autour, Villiers-le-Bel, enfin j'en oublie plein, hein. De toute façon c'est très large. Et ce serait bien sûr en mutualisation, en partenariat avec toutes ces villes qu'on aimerait développer ce projet dans toute la. Et donc c'est pour ça qu'on a rédigé ces 2 dossiers. Hein. Un dossier qu'on a nommé Triangle, qui s'occupe vraiment de parler de la production sur le Triangle. Et puis ensuite, un dossier Rhizome, qui parle, lui, de toute la plaine de France. Alors, aujourd'hui, le projet Karma, ben, on est en train de travailler le volet économique. Hein. L'idée, c'est aussi de faire basculer les élus, hein, pas seulement les associations. Alors, bien sûr, on va avoir des assos, on va avoir des entreprises, etc., qui vont nous soutenir, mais il faut que ça puisse aller avec les habitants. Et hein, il faut que ça passe autant dans la tête des élus que dans le territoire. Et donc, on essaime, on travaille le terrain. Donc pour ça, eh bien, on s'est appuyé sur le travail qu'a fait Jacqueline Nortiwa. Bon, un magnifique schéma, vous voyez, il y en a avec des flèches partout. Mais bon, tout ça pour dire les gens qui vivent ici, c'est des gens qui travaillent pour la plupart sur Paris. Et tous les projets hein, qu'on nous propose de transport et autres, eh bien, c'est pour relier entre Saint-Denis-Pleyel et Roissy-Charles-de-Gaulle. Or, les gens ne travaillent pas sur Roissy, c'est un pôle qui est ultra spécialisé. On a assez peu de métiers qui existent hein, dans ces pôles. Hein. On parle d'un peu moins de 200 métiers sur les 10 000 qui existent, qui sont présents à Roissy. Et donc, malgré tout l'argent qui est investi pour développer de l'emploi, pour développer le port vers Roissy, eh bien, ces projets, ils tournent dans le vent, hein, puisque la majorité des gens qui vivent ici ne possèdent pas les niveaux de qualification pour aller travailler à Roissy, et donc ils vont travailler sur Paris. Voilà. Donc ça, c'est un constat social, hein, un constat économique qu'on travaille. Ce sont des a priori aussi qu'il y a dans la tête des élus, hein, sur lesquels, eh bien, avec lesquels, on essaye de travailler ces idées reçues. Alors. On a fait un film l'année dernière qui s'appelle Douce France, qui est sorti pendant le confinement. Douce France, je ne sais pas si vous en avez entendu. Mais on a travaillé avec une classe de lycéens qui était à Villepinte, juste à côté. C'est le lycée le plus proche du Triangle. Et on les a fait travailler en fait sur leur territoire, en cours d'histoire géo pendant 1 an. Hein, c'était une classe de première. Donc ils sont venus, hein, ils sont venus ici, ils ont rencontré eh bien, des agriculteurs, on les a sensibilisés hein, à la permaculture, à l'alimentation en général en fait, et ça a permis eh bien, de tester un peu hein, ce rapport, de tester qu'est-ce que le projet Karma peut proposer aux jeunes en fait, du coin. Et je vous invite à aller voir ce film hein, qui continue à être projeté maintenant dans les différentes salles. C'était projeté à Montreuil. On va peut-être le projeter bientôt à Tremblay, hein, si on peut. Voir hein, bien justement quels sont les liens hein, qu'on peut avoir avec l'alimentation quand on habite ici. Et aussi quelles sont les inégalités hein, face à ça. Donc, bien sûr, il y a la question des sous, mais il y a aussi la question de l'accessibilité. Donc voilà. Karma, c'est un peu tout ça. Donc, on est en construction. On va. Oui. Alors, oui, il a été. Pour le moment, ils sont partis le diffuser. Oui, vous l'avez vu. Bah. Très bien. Vous avez tous appris votre leçon. Donc. Donc Douce France, oui, le doux pays de mon enfance, c'est ça. Donc oui, non, ils sont en train de le diffuser vers Lyon, là, en ce moment, je crois. Le réalisateur fait la tournée, en fait, des cinémas pour le présenter. Et voilà, si vous connaissez des cinémas qui sont intéressés, eh bien, envoyez-nous des mails, on viendra le projeter avec le réal, avec Geoffrey Quanon. Alors je vais passer la parole à Franck Emmanuel. Puis voilà, on reviendra sur Karma plus tard hein, dans les questions si vous voulez. Rebonjour à tous. Je voudrais faire déjà un petit sondage parce que c'est une séquence un peu interactive C'est une séquence interactive et un peu technique. Je voudrais savoir si vous avez tous la 4G ou pas, si vous pouvez tous être connectés ou s'il y a des personnes non connectées. Levez les doigts ceux qui ne sont pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors. Donc, j'avais prévu le coup. Maud va vous passer les photocopies pour ceux qui ne sont pas connectés. Je vous donnerai l'URL de ceux qui sont connectés après mon petit speech d'introduction de 2 minutes avant de passer la parole à Maud et à Charles ici présent. Je vous donne le site. Alors, cratère.résiliencealimentaire.org. Cratère, C-R-A-T-E-R, .résiliencealimentaire.org. C'est important, sinon ça ne marchera pas. .org. Donc, pour vous introduire, en fait, je vais vous présenter... Je vais faire une brève introduction en fait de ce calculateur, puisqu'il s'agit donc d'un calculateur de résilience alimentaire des territoires. Donc du petit nom de cratère. Et donc moi je fais la présentation et après je laisserai la parole à Maud et Charles qui connaissent beaucoup mieux l'outil que moi. Donc le contexte en fait de cratère est le suivant. Donc si notre sécurité alimentaire est garantie depuis le XXe siècle, la stabilité de notre système complexe de l'alimentation est aujourd'hui menacée par des perturbations globales telles que le changement climatique, l'épuisement des ressources, l'effondrement de la biodiversité et de la vie des sols. Caractériser les vulnérabilités de notre système, les critères de résilience et déterminer les moyens pouvant être mobilisés par les collectivités sont nos axes de travaux de recherche sur les voies de résilience des systèmes alimentaires. La problématique de l'alimentation durable n'intègre que rarement les risques de rupture, ni ne prend en compte les liens de dépendance avec les autres éléments du système alimentaire. Bien que d'innombrables initiatives voient le jour partout en France pour relocaliser les liens entre producteurs et consommateurs, ces démarches ne s'inscrivent que trop rarement dans un projet politique de résilience locale cohérent. De tels freins entrave le passage à l'échelle nécessaire pour faire face à l'ampleur des enjeux. Bâtir un système alimentaire résilient nécessite d'associer les communes et les intercommunalités dans l'élaboration d'un projet de résilience. La volonté des élus locaux et leur soutien par la société civile sont plus que jamais nécessaires pour préserver les meilleures terres agricoles, les mettre à disposition des producteurs et organiser les circuits de distribution. Les greniers d'abondance, donc l'association qui a développé le calculateur, en lien avec leurs partenaires, donc, ont développé donc, une liste d'indicateurs et d'outils pour diagnostiquer la résilience alimentaire de notre territoire, enfin, de votre territoire, de tous les territoires en France. Cratère donc, est l'un de ces outils. Son ambition est de mettre à disposition du plus grand nombre un outil simple présentant les enjeux de résilience alimentaire de son territoire. Le résultat est présenté sous la forme d'un court rapport contenant l'évaluatoire, mais qui ne remplace pas une étude, ainsi qu'un ensemble de propositions et de liens vers d'autres outils, dont les voies de résilience donc, du guide ici présent. Les résultats pour chaque sont accompagnés de pistes sur les leviers d'action possibles. L'application fournit des données chiffrées à jour, pour différents éléments du système alimentaire aux échelles communales, intercommunales, départementales, régionales et nationales. Dans son ensemble, le rapport est une synthèse qui doit être parcourue en quelques minutes par un non-spécialiste et qui doit faire ressortir de manière claire sur le fond et la forme, les éléments du diagnostic, les conclusions et leviers pour aller plus loin. L'utilisateur doit ressortir en ayant une idée relativement claire des principes de vulnérabilité de son territoire et des leviers d'action prioritaires. Donc, je vous ai présenté sommairement donc, l'outil. Est-ce que vous avez pu, pour ceux qui sont connectés, arriver sur la page d'accueil de Cratère ? Oui ? Donc, après, l'étape suivante, en fait, c'est par exemple de taper Gonesse. Vous tapez donc Gonesse. Et là, va vous sortir les données donc, de résilience territoire. Si ça ne marche pas, je passe dans les rangs pour vous montrer. Donc, Maud et Charles ont participé du coup au projet. Donc, je vais leur laisser la parole dans les rangs pour voir si tout le monde est bien connecté. Merci. Ok, bien bonjour à tous. Donc on est Maud et moi-même des contributeurs du projet Cratère, membres des Greniers d'Abondance avec Franck. C'est une association qui a plutôt une culture d'ingénierie, de recherche et qui s'intéresse. La vocation est d'une part de dresser un bilan des fragilités du système alimentaire, généralement dans le discours de ceux qui font une critique du système alimentaire, il est souvent plutôt pris sous l'angle des dégâts qu'il cause au système et à sa contribution au réchauffement climatique qui sont avérés. On parle moins souvent de sa fragilité et des risques qu'ils font peser sur ce qu'on appellerait la sécurité alimentaire, qui est l'angle les greniers d'abondance attrapent ce sujet. À l'heure actuelle, donc, l'association est assez récente, on a un an et demi, et notre principale contribution, c'est d'un rapport sur la résilience alimentaire, qui est découpé en deux parties. Une première partie où on présente les menaces qui pèsent sur le système alimentaire, que vous connaissez, donc le réchauffement climatique, la destruction du vivant, des ressources énergétiques en particulier, l'instabilité politique. Et j'en oublie, il y en a cinq. Et la deuxième partie du rapport, c'est les voies de résilience, donc système alimentaire pour faire face à ces menaces. Le projet Cratère, c'est un projet qui est relativement périphérique, on va dire, à l'activité centrale de l'association, qui a un an, qui a été lancé il y a un an. C'est une toute petite équipe. Concrètement, l'expérience utilisateur, c'est vous rentrez le nom d'une ville et il vous sort un rapport qui synthétise qui vous pré-diagnostique de la résilience alimentaire de votre territoire. Ça ne remplace pas, on le précise bien, une vraie audite de votre territoire. Il est important de préciser aussi que le système est encore en phase de test. Il y a trois indicateurs qui sont développés, qui sont la surface agricole utile, la population agricole et la politique agricole. On va en développer d'autres. On ne peut pas dire que ce soit fiable, ce n'est pas testé. Et les besoins aujourd'hui en termes de main-d'œuvre, c'est des bêta-testeurs. Si vous voulez participer au projet, si vous voulez nous aider, vous connectez sur le site des Greniers d'Abondance. Vous cherchez les Greniers, vous le trouverez sans problème. Et vous n'aurez qu'à nous écrire pour proposer votre aide si le projet vous intéresse ou si l'association aussi vous intéresse. Merci. Oui, en fait, ce que vous avez dans les mains, c'est une version de test. Donc on ne l'ouvre pas au grand public. Mais on vous sollicite voir si parmi vous il y a des personnes qui seraient d'accord pour le tester et regarder ce que ça donne sur leur territoire et nous faire un retour qui vous semble aberrant ou quelle critique bienveillante vous pouvez faire sur l'outil pour que nous on l'améliore. Donc j'ai une liste là, vous pouvez venir vers moi, je prends votre nom et on reviendra vers vous organiser ce retour d'information. Donc bien retenir que pour l'instant il y a 3 voies de résilience qui sont indiquées dans l'indicateur. À terme, l'idée c'est de documenter en toutes les voies, les 12 voies, et d'enrichir les 3 premières si elles sont incomplètes. Et voilà. Ça peut être utile pour les personnes qui sont sur une lutte, justement, sur un territoire, et qui aimeraient avoir un argument chiffré dans leur négociation avec une mairie ou une municipalité. Pour leur dire, écoutez, on a utilisé l'indicateur de résilience, et voilà le faible chiffre qu'on a obtenu. C'est une première évaluation qui nécessite de faire un vrai diagnostic derrière. Hein, ça ne remplace pas un diagnostic. Je voulais en parler. Ceux qui se demandent ce que c'est que l'outil Parcel dont on vient de parler, c'est, oui, donc c'est Terre de Liens avec la FNAB et Basique qui a développé ça. C'est un outil très intéressant qui est complémentaire, qui ne remplace pas. Enfin, il y a des liens. D'ailleurs, les personnes qui ont développé Cratère se sont mis en lien avec les gens de Parcel. Donc c'est complémentaire. Parcel permet d'évaluer la surface nécessaire en terre agricole pour alimenter une population. Et permet de créer un dialogue avec des élus, par exemple, de se mettre autour de la table et d'échanger sur le besoin en surface que l'on peut paramétrer suivant qu'on a un régime plus ou moins carné ou plus ou moins, parce que ça a un effet sur les surfaces, on peut avoir des retours sur le nombre d'emplois que crée cette activité et sur les impacts écologiques quand on joue sur les paramètres, des impacts sur les émissions à gaz à effet de serre, sur l'eau, sur tout un tas de paramètres. C'est super intéressant et c'est assez étonnant les éléments qui sortent de là, et ça peut être de nature à modifier les idées des élus, qu'on espère que Cratère permettra de faire évoluer les positions. Donc ça fonctionne, Cratère est en développement. Et je voulais vous parler d'un autre outil qui est tout neuf. En fait, c'est la plateforme Chrysalim. Je ne sais pas si des gens connaissent, parce que c'est vraiment très frais. Ça fait, on est à la 4e semaine d'un espèce de marathon, forme de toute pièce, avec une petite communauté de gens motivés. Et c'est une plateforme pour la résilience alimentaire des territoires. Et l'idée, c'est que ça soit un outil complètement ouvert et libre où on peut contribuer et trouver des infos pour la résilience. Et donc, pour ceux que ça intéresse, on fait une rétrospective de la fin de ce hackathon lundi, de 14h à 15h30. Il faut se connecter dans la page d'accueil. En haut de la page d'accueil, on vous indique où aller pour vous connecter sur la séance qui fera cette rétrospective. Et avec on mettra d'ici la fin de l'été, il y a déjà la page, elle est déjà créée là-dedans, un modèle de type tableur, très simple à utiliser, pour réaliser un diagnostic de résilience alimentaire. Donc il ne s'agit pas de la terre évaluation sur la base de données disponible de calcul. Il s'agit d'un outil méthodologique cette fois pour travailler avec des élus. Donc, par le projet, le plus simple, c'est que vous alliez sur le site, donc pas sur ce lien-là, vous cherchez les greniers d'abondance sur Google et vous allez trouver très facilement sur le moteur de recherche que vous voulez, peu importe, vous trouverez très facilement le lien des greniers. Vous allez dans contact, vous nous écrivez et on va vous onboarder pour que vous puissiez participer au projet. Ben merci beaucoup à vous. Il nous reste une intervention pour cette première partie avant qu'on passe un peu au débat. C'est Philippe qui doit venir nous parler de la lutte pour conserver la dernière filière agricole du 93 au lycée Fénelon. Bonjour à tous, merci d'être venus, vous êtes nombreux, ça fait plaisir. Vous avez certainement entendu parler peut-être à travers les médias, donc on est un lycée agricole qui se trouve pas très loin d'ici, qui se trouve sur la plaine de Roissy, à côté de vous, à vos jours même. Lycée agricole, le lycée du paysage et de l'environnement Fénelon. Donc c'est un établissement qui existe depuis maintenant un peu plus de 150 ans et aujourd'hui qui est menacé de fermeture. Donc vous en avez certainement peut-être entendu parler à travers les médias, à travers une pétition en ligne qu'on fait tourner depuis maintenant plusieurs mois. En fait, il y a la particularité de proposer des formations qui touchent l'aménagement, l'environnement, l'écologie, l'agriculture. On a des formations qui partent de la classe de 4e jusqu'à des licences professionnelles autour de tous ces enjeux, autour de l'alimentation, autour de la révolution de nos villes, hein, puisqu'aujourd'hui on parle de végétaliser les villes. Et c'est un élément important qu'il faut intégrer aujourd'hui dans les programmes d'urbanisme. Donc cet établissement, pourquoi ferme-t-il ? Eh bien tout simplement parce qu'il est rattaché au ministère de l'Agriculture. Et les terrains, notamment les zones naturelles où il y a par exemple un rucher, parce que je suis enseignant mais je suis aussi apiculteur. Donc il y a un rucher école, il y a un verger patrimonial avec des variétés anciennes de la région Île-de-France de fruitiers. Est menacé de construction puisque la direction de l'école qui est propriétaire des terrains a fait modifier le plan d'occupation des sols avec la mairie et ces terrains sont devenus constructibles. Mais pour pouvoir construire dessus, il faut fermer le lit paysage et de l'environnement. Donc la volonté de la direction, c'est de fermer de façon effectivement à libérer ces terres qui sont en fait nos terrains d'exploitation pour pouvoir éventuellement construire. Alors la mairie a un projet de construction de piscine. Et puis, il y a évidemment, comme on est à 800 mètres du... Il y a une volonté assez forte des promoteurs de vouloir construire du logement, notamment dans le cadre du projet du Grand Paris. Voilà. Donc, on se mobilise fortement là-dessus. Vous pouvez d'ailleurs, si vous allez sur le site change.org, vous mettez Fénelon Vaujours, vous verrez. Puis vous faites Fénelon Vaujours, vous avez également aussi plein d'articles de presse, Mediapart, Le Figaro, L'Humanité. Donc on publie des articles pour dénoncer un peu ce scandale, puisque c'est quand même assez scandaleux qu'on ferme une école pour pouvoir effectivement modifier les destinations de ces zones naturelles pour en faire effectivement des logements, hein, ou une piscine. Voilà, j'ai essayé d'être bref, rapide, synthétique, pour pas trop vous ennuyer, puis on va pouvoir commencer à parler autour du débat de l'autonomie. Nous-mêmes, on participe beaucoup à des projets agroforestiers, en permaculture. On fait du maraîchage bio, donc pour nous, au lycée Fénelon, on est également aussi très impliqués sur les filières courtes. Moi-même, je suis membre d'une coopérative alimentaire qu'on a créée dans le 18e, qui n'est pas la Louve, qui s'appelle COP, avec un objectif un peu différent de la Louve, un peu moins capitalistique, plus un visage humain. Donc voilà, l'autonomie est... Oui, voilà, on pourra en discuter, parce que bon, voilà, il y a aussi du business autour de ça. Donc voilà, donc c'est aussi important de parler de quelle autonomie. Oui, coopérative de la Goutte d'Or, oui, COP à Paris. Voilà, mais qui se trouve effectivement là où il y a la Louve également. Voilà. Pardon ? Oui, voilà, il y a aussi ça, voilà, donc il y a pas mal. On les connaît. Si, c'est rue Stephenson, ouais, COP à Paris, rue Stephenson. Voilà, c'est nous. Voilà, la Louve, elle est un peu plus loin. Voilà. Merci pour votre attention, et puis on va engager le débat. Hein. Voilà, au moins qu'il y ait des questions sur Fénelon. Oui ? Comme on enregistre et pour tout le monde entende, le micro a un fil très long, vous n'avez même pas besoin de bouger, je le fais passer, il vient jusqu'à vous. Sur Fénelon, quelles sont un peu les prochaines dates de mobilisation ou d'appel à public ? Est-ce qu'il y a une manif de... Est-ce que le corps enseignant s'organise et a besoin de présence, soutien sur une date précise peut-être ? Alors, je ne voulais pas être trop exhaustif, il ne faut pas prendre trop de temps. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, on mène plusieurs combats. C'est au niveau de la presse, donc on a une forte mobilisation des médias autour de notre fermeture. Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a aussi beaucoup les politiques qui se sont mobilisés, notamment sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Donc la majorité des députés, les sénateurs aussi de Seine-Saint-Denis sont pas mal mobilisés. Le conseil départemental a une volonté très forte de valoriser les formations agricoles, notamment tout ce qui touche l'environnement, les circuits courts, etc. Donc une forte volonté. Et puis il y a aussi un volet juridique, hein, puisqu'il faut savoir que nous, on a contesté cette décision aux instances de Bobigny. Et pour l'instant, en fait, la direction de l'école Fénelon a été dans l'obligation de suspendre en fait la fermeture. Mais ce n'est qu'un sursis. On attend avec impatience la décision, enfin la position du ministère de l'Agriculture avec le nouveau ministre. L'ancien a été très fortement sollicité par les médias et par les politiques. Pour l'instant, il n'y a pas de manifestation parce qu'on sortait du Covid et il y avait de gros problèmes d'organisation là-dessus. Et puis là, on est en période de vacances scolaires, ce qui fait que c'est 18 heures de l'école puisque pour l'instant, l'école est fermée. Donc je pense que très certainement, on sera amené à revenir effectivement vers ceux qui nous ont soutenus à travers les pétitions, justement pour organiser par la suite si le gouvernement, à travers son nouveau ministre de l'Agriculture, s'engage à vouloir fissement. Bon, a priori, ils sont quand même très embêtés. Parce que le gouvernement, bon, ça peut être un peu du greenwashing, mais ils ont quand même une volonté un peu de valoriser ces filières d'agriculture courte. Donc on verra peut-être que face à un discours politique, ils seront amenés à prendre dans l'intérêt de la survie de cet établissement scolaire. Voilà. Ok, bah du coup, le débat est ouvert. Donc n'hésitez pas, faites un signe de main, je vous fais passer le micro. Vous pouvez rajouter des choses sur ce qui a été dit, poser les 3, 4, 5 personnes qui sont venues. Donc je privilégie d'abord ceux qui n'ont pas pris la parole, mais s'il n'y a pas d'autres remarques. Vous pouvez rajouter des choses aussi, et même si vous avez des critiques, enfin voilà, c'est sentez-vous tranquille pour prendre la parole, c'est jamais hyper facile, mais ça. J'ai un commentaire. J'ai entendu dire que être en autonomie alimentaire en région parisienne, c'est physiquement impossible. De toute façon, vu la population de l'agglomération, etc., vu la concentration de population. Donc voilà, si vous avez des avis là-dessus. Et en parallèle, j'ai une conférence organisée par Europe Écologie des Verts, où ils ont modélisé la région Île-de-France. Si on respectait AIET les accords de réduction de carbone, et dans ce scénario-là, leur modèle montre globalement une réduction de population en Île-de-France de 50%, une augmentation du métier de l'heure, qui est actuellement, je crois que c'est 2%, si je ne me trompe, jusqu'à 48% de la population serait en activité de production agricole pour globalement la moitié de la population. Donc si quelqu'un gère ça, voilà. Merci. Alors je rappelle que n'importe qui, hein, en fait, peut réagir, pas seulement qui sont déjà intervenus. S'il y a d'autres personnes qui souhaitent réagir sur ce qui est dit, ouais. Et s'il y a d'autres personnes, vous pouvez aussi le micro pour aller jusqu'à vous. Alors, j'ai pas des données extrêmement chiffrées. C'est juste plus une expérience de terrain. Comme je vous l'ai dit, je suis aussi membre de COPA Paris, la coopérative alimentaire de la Goutte d'Or qui existe depuis maintenant 5 ans. On a à peu près 400 membres à COPA Paris. Moi, je suis impliqué sur ce projet-là depuis le début, donc ça fait quand même un petit... on a 5 ans de recul. Si je prends mon cas ou le cas de pas mal de coopérateurs, en fait, vous avez des gens qui font à peu près 90% à COPA Paris. Moi, j'en fais partie. Hein. J'achète quasiment que mes produits à COPA Paris. Ça veut dire quoi? On privilégie, je crois qu'on est à 86% de producteurs locaux. Alors évidemment, quand on fait venir du comté, on est bien d'accord, parce qu'on a des produits de laiterie. Voilà, donc on a des produits qui viennent de toute la France, hein, ça faut pas se cacher, mais on a aussi pas mal de produits qui viennent de la région parisienne. Je prends par exemple la production de porc, on a un producteur de porc, alors évidemment il pourra jamais répondre à 11 millions de producteurs en Ile-de-France. En tout cas, c'est un producteur de porc qui est du côté de Beauvais et il fournit Biocoop, il fournit notre coopérative, il travaille avec encore deux autres AMAP. Ce n'est pas un très gros producteur, mais on peut imaginer que sur le territoire, il puisse y avoir de ce type de structure qui puisse permettre progressivement de pouvoir effectivement nourrir la population française ou parisienne progressivement. Maintenant, il ne faut quand même pas oublier, une chose, c'est, à mon avis, c'est qu'il n'y aura jamais 100% des franciliens qui voudront manger. Vous aurez malheureusement toujours des gens qui voudront acheter de la viande qui vienne d'Argentine ou qui vienne d'ailleurs, tout simplement parce que déjà, peut-être, ils n'auront pas les moyens, donc ils vont acheter de la viande bas de gamme, qui viendra de Pologne, qui viendra d'autres pays où il y a des modes de production intensifs, hein, où on peut pas cher. Voilà. Donc, mais je pense qu'effectivement, ce qu'il faut faire, c'est il faut aller vers de la transition alimentaire. On parle de transition écologique, il faut aller vers de la transition alimentaire. C'est-à-dire que progressivement, avec les politiques, il faut qu'il y ait effectivement des politiques qui puissent être mises en place, favoriser cette agriculture du territoire, hein, qui permettent de favoriser ces circuits courts. Hein. Et je pense que là, on pourra effectivement toucher une population un peu plus importante et permettre effectivement à des populations un petit peu plus larges de pouvoir se nourrir avec des produits locaux. Alors, c'est vrai qu'il y a un siècle, on n'était pas aussi nombreux. Il faut quand même savoir qu'il y a un siècle, sur le territoire de l'Île-de-France, vous aviez des producteurs de vin. C'était une grosse région productrice de vin. La Seine-Saint-Denis était une grosse région de production de maraîchage. Donc voilà, c'est des réalités. On avait ici beaucoup, en fin de compte, de la polyculture élevage. Hein, on avait encore, il y a relativement peu de temps, des abattoirs en Ile-de-France. Là, c'est de moins en moins vrai. Je vous parlais du producteur de porc. C'est vrai qu'il est obligé d'aller beaucoup plus loin aujourd'hui pour faire abattre ses animaux. Hein, et donc, c'est compliqué. Alors, c'est vrai que c'est pas faux, effectivement, qu'il y ait une vraie volonté politique et que les choses se fassent progressivement dans le temps. Et ça passe aussi par une sensibilisation aussi des populations. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas du tout ce qu'ils ont dans leur assiette. Bon, ils savent qu'il y a eu des scandales alimentaires. Moi, je suis enseignant, hein, je le vois à travers les jeunes que je vois. Ils n'ont pas toujours conscience de ce qu'il y a dans leur assiette, aussi bien d'où ça vient, mais aussi en termes de qualité. Oula. Qu'il y avait des piquets. Hein. Oui, heureusement que j'ai. Ben, sinon, ils partaient. Hein. Voilà. Non, c'est bon. Attends. Il y a un truc en dessous, Marco, il y a ton sac. Alors, on va essayer de remettre en place les sardines. Vous inquiétez pas, il y a 4 ans, on était sur une place à Paris, il y avait beaucoup de pluie, il y avait des bâches au-dessus de la tête, donc on sait faire, à peu près. Là, il faudra peut-être. Du coup, moi, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Voilà, on a parlé de résilience alimentaire, mais moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, si quelqu'un veut m'expliquer cette expression, parce que moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ouais, c'était juste pour rebondir sur la. Si le porc, il n'a pas d'abattoir près de chez lui, comment vous êtes sûr que le porc qui arrive chez vous, à Copa Paris, il vient bien de chez lui? Alors, c'est un peu technique. Allez-y, comme ça on rentre dans les précisions. En fait, il faut savoir que pour ce qui est de l'abattage des animaux, notamment en label bio, ils sont obligés de respecter. Il y a des jours d'abattage qui sont réservés dans les abattoirs. Et lui, par exemple, c'est le jeudi. Donc, il faut qu'il amène ses bêtes le mercredi soir. Et donc, tout le jeudi, c'est uniquement pour les labellisés bio. Voilà. Donc, il y a la traçabilité. Et chaque animal, évidemment, est marqué, etc., etc. Oui, et après, effectivement, il revient le lendemain récupérer sa viande. Alors, l'abattoir, je ne sais plus exactement. Je crois que c'est... Donc, c'est assez loin. Hein. Donc... Voilà, parce qu'il faut aussi que les abattoirs ils aient le label bio, ce qui n'est pas évident non plus. Mais il faut savoir quand même qu'il y avait pas mal d'abattoirs sur la région Île-de-France, hein, qu'ils ont tous fermé. On s'est spécialisé dans la monoculture céréales, betteraves, et qu'effectivement, tout ce caractère polyagriculture n'existe quasiment plus. Hein. Donc, Alors, est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ce qu'est la résilience alimentaire? Vas-y. Après, madame, je vous passe la parole. Hein. Alors, la résilience en général, c'est la capacité d'un système à maintenir ses fonctions suite à une perturbation. On n'est pas résilient dans l'absolu, c'est pas une notion absolue, on est résilient à une perturbation. Voilà. Pour ce qui est de la, pardon, pour ce qui est de la définition, voilà. En gros, la résilience, surmonter une épreuve en revenant à un état viable, quoi. Donc, en gros, c'est pour ça que tout le monde parle de résilience suite au Covid, parce qu'on se dit, ah, après, est-ce qu'on va être toujours en vie ? Et donc, être résilient, c'est être capable de se transformer pour continuer à s'adapter à un environnement transformé. Se réinventer, se transformer, s'adapter tout bêtement, hein, dans une perspective évolutionniste, on peut penser s'adapter. Et donc la résilience alimentaire, c'est la capacité à transformer les systèmes de production alimentaire pour être capable de répondre à un état social, à une demande qui aurait évolué. À des chocs climatiques, à des chocs sociaux, à des chocs économiques tels que l'arrivée du capitalisme sur la planète, par exemple. Pourrait-on être résilient après ça ? Voilà, des choses comme ça. Ok. Bonjour, je voulais revenir un petit peu sur la question de la personne tout à l'heure qui demandait en gros si c'était un scénario du pire ou du meilleur, cette perspective que la population de l'Île-de-France diminue de 50% et que sur ces 50%, si je me rappelle de ce qu'elle a dit, 48% deviennent agriculteurs. Je voudrais savoir si ce type de scénario, c'est un scénario voilà, de thème, ou si c'est réaliste au regard des crises énergétiques et climatiques à venir. Merci. Oui, sur cette question d'autonomie alimentaire, sur le territoire où on est, d'après les témoignages qu'on a vus des agriculteurs qui sont ici avec lesquels on travaille, dans la plaine ici, il y a eu des fruitiers, il y a eu des vergers. Là-bas, en plein milieu du champ, c'est un forage qui a servi pour l'irrigation de production de maraîchage de plein champ. Malheureusement, un des exploitants qui est décédé m'avait dit « il faudra que je te fasse faire le tour du Triangle de Gonesse et que je te montre les endroits où il y a du maraîchage, mais des endroits où pour faire du légume, où on a fait du légume de plein champ, sans irrigation ici. » Donc on me dit, la plaine de France, c'est le grenier à blé. Oui, ça a toujours été le grenier à blé et une forte production de blé de qualité. Et le pain de Gonesse est réputé, on a retrouvé des témoignages d'ouvrages historiques. Mais ça a été aussi une production, un territoire de production alimentaire, aussi bien fruitière que maraîchage, jusque... après la Deuxième Guerre mondiale, ou un peu avant, ça a commencé à disparaître. Ici, on a les témoignages de céréaliers qui sont une famille d'exploitation de maraîchage et qui employaient une centaine de salariés au moment de la saison des récoltes. Ce qui a tué cette polyculture qui était ici, on parle du grenier à blé, mais c'est une zone de polyculture. Ce qui a tué la polyculture, c'est à la fois qui a marqué le déménagement, ceux qui sont un peu de... comme moi, qui se souviennent, les Halles étaient dans Paris, le déménagement des Halles à Rungis et la montée de la grande distribution. Le déménagement des Halles a fait que les producteurs ici, c'était plus loin, ça a été fini pour apporter, ils apportaient leur production aux Halles à l'intérieur de Paris, et puis la grande distribution qui a fait les grandes centrales d'achat sur lesquelles ils ne pouvaient plus répondre. Donc ils sont devenus, c'est des maraîchers qui sont devenus de plus en plus céréaliers, et voilà, qui a eu. Mais l'autonomie alimentaire, ça a existé. C'était 80% la région parisienne. Entre les deux guerres ou avant, au début du XXe siècle, l'autonomie alimentaire était de l'ordre de 80% de l'Île-de-France. Alors bien évidemment, on ne va pas revenir à 80% comme ça en claquant des doigts, mais c'est clair qu'il faut améliorer ce pourcentage d'autonomie alimentaire. C'est une nécessité. L'autre nécessité, c'est aussi que les transports payent leur juste prix de l'impact qu'ils ont sur la planète. Les agriculteurs qui cultivent 10 hectares de fruitiers, ils nous disent qu'on pourrait en cultiver 40. Mais on ne les cultive pas. Si c'est pour amener nos fruits à Rungis, on ne s'en sort pas. Ils s'en sortent par la vente directe, par la vente sur les marchés, la vente de proximité. Ils pourraient produire beaucoup plus. Ils arrivent de Chine, elles arrivent moins cher que ce que ça leur coûte à eux de les produire ici. Donc tant qu'on ne fera pas payer la main d'œuvre suivant les pays Bien évidemment, elle n'est pas du même coût, mais c'est la question des transports qui est essentielle. Si on faisait payer aux transports l'impact qu'il y a sur la planète et l'impact réchauffement climatique, bien évidemment que les produits qui arrivent de l'autre bout du monde, ils ne seraient pas au même prix qu'on les trouve dans les grandes surfaces aujourd'hui. Donc tout ça, c'est une évolution politique, mais c'est une nécessité pour les générations futures et pour l'état de la planète. C'est incontournable. Bien, au risque de détruire, de continuer à détruire la planète. Alors, n'hésitez pas à me faire un signe de main si vous voulez que je vous passe la parole. Pardon. Ça t'a cassé les oreilles ? Je suis désolée. Non, mais c'est mieux pour que tout le monde entende. Il y en a qui sont là-bas aussi. Oui, donc juste pour répondre, c'est que c'était une modélisation et c'était sur le respect des engagements du COP21 en réduction de l'empreinte carbone. Donc c'est exactement ce que disait Bernard. Quand on arrête le transport émettrice de partout, ça a énormément d'impact. Voilà. Donc c'est si on est vraiment sérieux sur cette histoire de changement, de transition énergétique, il faut la transition qui va avec. Parce qu'on ne pourra plus faire venir le port de l'Argentine. Hein? Il faut que ce soit ici qu'on se nourrisse, si on respecte nos engagements pour le futur de la planète, quoi. Bonjour tout le monde. Moi, c'est, je voulais une réflexion, une réflexion que moi j'ai aussi qui me pose problème. C'est il y a toujours l'argument massue qui arrive sur les produits locaux. Les gens peuvent pas se les payer et ils préféreront acheter du porc d'Argentine, etc. Et il n'y a jamais de vraie réponse là-dessus. Et là où moi j'en ai trouvé une, je pourrais pas le décrire techniquement, mais certaines personnes parlent de mettre de sécurité sociale alimentaire. Au même titre qu'on le fait pour les médicaments, etc., oui, les soins, on pourrait imaginer un changement de système social aussi profond que ça, qui permettrait aux gens d'accéder à de la nourriture sans en payer le coût réel ou en mettant en place quelque chose de plus distributif. Et c'est là où aussi cette question de transition énergétique, qu'il y a besoin de cette transition alimentaire, il y a aussi besoin d'une transition sociale forte si on veut faire quelque chose de juste. Voilà. Bah si ce concept de sécurité sociale alimentaire et qu'ils peuvent en parler un peu plus, allez-y, moi j'ai cette idée en tête et je la trouve assez chouette. Voilà. Oui, c'est un équilibre entre plusieurs choses. Dans la deuxième partie, on parlera justement de solidarité alimentaire et production de qualité. Donc je pense que ça va rentrer dedans. Je donne juste la parole avant et puis après je te la passe. Je sais pas, après... je suis coincée. Après on voit s'il y a d'autres questions ou remarques là-dessus et puis sinon on passe justement à solidarité alimentaire. Oui, je voudrais revenir sur une remarque de Bernard Loup par rapport à, effectivement, il faut quand même savoir, nous on prend l'exemple, je reprends encore une fois l'exemple de Copa Paris, celui que je connais le mieux, il faut savoir que globalement, les producteurs sont très, très contents de bosser pour nous. Hein. On ne s'appelle pas La Ruche qui dit oui, alors je fais exprès d'être provocateur en disant La Ruche qui dit oui, tout simplement parce que en fin de compte, nous, le gros avantage qu'on propose aux agriculteurs, c'est qu'on les paye quasiment immédiatement. C'est-à-dire qu'en termes de trésorerie, pour eux, c'est hyper important. Nous, on a eu des gens qui, effectivement, avant, ont bossé avec d'autres structures, notamment parfois la grande distribution, enfin, le squash. Et en fait, ils sont payés à 3 mois, 4 mois, c'est l'horreur. Donc, il faut qu'ils avancent la trésorerie. Nous, il faut quand même savoir que tous les stocks qu'on a, par exemple, dans notre coopérative alimentaire, mais ce qui est vrai chez nous, c'est vrai aussi à Dionicop qui est à Saint-Denis. Hein. Saint-Denis font exactement la même chose que nous. Hein. Ou la French Cop à Agnès font exactement la même chose. Nos stocks, ils sont déjà payés. Et ça, c'est aussi ce qui va permettre à des producteurs locaux de pouvoir vivre correctement de leur boulot. Pour en revenir maintenant sur le prix, alors effectivement, ça, c'est évident que... Si on peut une fois une journaliste qui est revenue à la COP à Paris et qui a dit mais bon en termes de mixité sociale on voit il n'y a pas beaucoup de mélange chez vous, hein. On est en plein quartier de la Goutte d'Or. Alors il y a deux raisons, hein. Il y a une raison qui est aussi contextuelle, hein, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de gens de la communauté africaine que ce soit d'Afrique noire ou qui en fait ne fréquentent pas notre magasin parce qu'ils n'y trouvent pas les aliments qu'ils recherchent et qui correspondent à leurs habitudes alimentaires, et aussi parce que pour eux c'est aussi une façon de rencontrer des gens de leur pays, c'est-à-dire ils vont dans le magasin sénégalais, ils vont dans le magasin camerounais, et ça permet de retrouver la communauté. Mais c'est vrai aussi que les prix peuvent être rédhibitoires, hein, ça peut être élevé. Même si nous, je prends l'exemple du porc, parce que j'ai commencé par celui-là, on arrive à avoir du porc qui tourne à 12 euros, le morceau de base, quoi, on va dire. On reste quand même beaucoup plus cher que la distribution. Trouver du porc qui vient de Pologne et qui est vendu à 6 euros, ça incontestablement. Donc ça veut dire qu'on a aussi toute une tranche de population, notamment de gens qui sont des gens modestes, qui de toute façon n'ont pas du tout accès à cette qualité alimentaire. Et ça, c'est un vrai. C'est là où je te rejoins, effectivement, ou pour peut-être effectivement imaginer, en tout cas par l'interventionnisme de l'État, des moyens qui puissent permettre effectivement à ceux qui le souhaitent de pouvoir accéder à ces produits de qualité. Hein. Donc ça, c'est un premier point. Et puis après, il y a aussi des choix. T'as aussi des gens, effectivement, moi une fois j'avais une collègue qui m'a sorti ça au boulot, à l'école, qui m'a dit ouais, dis donc, toi, t'as les moyens pour aller t'acheter des produits bio. Et je la regarde, je lui dis, tu fais des choix. Je veux dire, elle a le même revenu que moi. On n'a pas la même bagnole. Elle a une bagnole neuve. Moi, j'ai une bagnole qui a 15 ans. Bon, après, on fait des choix de mode de vie. Et donc, c'est des priorités. Il ne faut quand même pas oublier qu'au lendemain de la guerre, les gens consacraient plus de 30% de leurs revenus à se nourrir. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, il faut mettre moins de fric sur nos fringues, moins de fric sur le loisir, et puis peut-être accepter un peu plus de fric sur de la nourriture de qualité qui permettra de maintenir et de développer sur nos territoires, que ce soit Gonesse, que ce soit ailleurs, effectivement des activités de production agricole qui permettent aux agriculteurs de vivre dignement de leur métier, de leurs revenus, sans aide de la PAC qui, comme vous le savez, sont financées par nos impôts. Voilà. Merci. Donc, je m'appelle Edouard. Donc, c'est pour rebondir sur. Voilà. Donc, c'est pour sur le projet de. On avait évoqué tout à l'heure. Tu parlais de sécurité sociale alimentaire, d'accord. Ce que je vais dire, c'est en rapport direct à première vue. Je suis une expérimentation. C'est le projet de Monnaie Libre. Donc, c'est un projet qui a démarré en Occitanie il y a 3 ans. Et donc, c'est un projet ambitieux dans le sens où, à terme, on aura un système économique basé par rapport à ce qu'on connaît dans l'économie capitaliste. Concrètement, le projet de Monnaie Libre, au lieu de prendre une économie monétaire classique, on se base sur des métaux précieux comme les talons ou maintenant avec le système financier, sur des jeux d'écriture dans les serveurs, de l'argent qui ne signifie pas grand chose. En théorie, on considère qu'en fait un être humain vivant est quelque chose qui produit la monnaie. Dans la pratique, c'est blockchain, c'est un choix technique qui a été fait exprès pour pouvoir éviter d'avoir une entité centralisatrice, de faire repartir l'ensemble des acteurs. Et je pense que sur deux choses, et justement pour que de pouvoir expérimenter d'autres systèmes économiques pour pouvoir amorcer la transition. Bonjour, alors moi j'habite dans le 93 depuis toujours. J'ai fait la Courneuve, j'ai fait Drancy, aujourd'hui je suis au Bourget. Et je n'ai jamais entendu parler d'Europa City avant l'année dernière. Et ma question est quelles sont les actions qui sont menées auprès de la population ici en fait ? Parce que je suis ravie, il y a plein de gens qui viennent, je parle de Copa Paris, sauf que nous pendant le Covid on a galéré quoi. On voulait peut-être bien manger mais on ne pouvait rien avoir au Bourget. Personne ne venait chez nous. Et le problème c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas très représentatif de la population du 93. Je m'en excuse. Et malheureusement, on n'arrive pas à cibler cette population. Voilà, moi, je voulais savoir, en fait, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui auprès de rien que des gens du 93, du 95, de Gonesse, pour les sensibiliser à cette action. C'est très dur. Tous les jeunes ne suivent pas. Ils n'ont pas les mêmes priorités. Moi, j'ai plein d'amis qui, en effet, n'iront pas acheter du bio. Ils en ont bien au-delà des choix de vie. Leur priorité, c'est de nourrir leurs enfants. Aujourd'hui, dans les écoles, on nous demande du bio. Très bien, sauf que c'est du bio, je m'excuse, qui n'est pas bon. Parce que le repas doit coûter 2 euros. Donc du bio mal cuisiné, ça restera de la mauvaise nourriture. Donc voilà, je pense que voilà, c'était ma question sur la situation ici, où est-ce qu'elle est et comment on fait pour les atteindre. Ben, c'était simplement pour dire. Alors ici, il y a des gens qui viennent un peu de 95, un peu du 93. Les gens d'ici viennent du 93, du 95, de plein de petites villes autour et de Paris, pour la plupart, même si maintenant. Le 91 qui est représenté. Ouais, mais j'ai pas envie de bouffer le Covid à tout le monde, donc je vais plutôt crier. Voilà. Juste pour dire que c'était presque une bonne transition pour passer à la suite, s'il n'y avait plus de questions, puisque la deuxième partie de la discussion, elle est sur la solidarité alimentaire et la distribution. Est-ce qu'il y a eu lieu justement pendant le Covid avec les brigades? Peut-être que les brigadistes qui vont prendre la parole pourront répondre directement. Mais s'il y a encore une question, on continue. Moi, c'est juste une objection quant à l'utilisation de la technique blockchain. Que blockchain, écologiquement, c'est une catastrophe. Il faut savoir que, je crois que c'était il y a 2 ans, l'Islande a dépensé plus d'électricité pour alimenter les démineurs, c'est-à-dire ceux qui cherchent à insérer un bloc dans la blockchain, qu'à alimenter ses habitants en électricité. Blockchain est une technologie absolument ruineuse d'un point de vue énergétique. C'est une catastrophe. Ça, une blockchain, ça consomme à peu près 40 fois plus qu'une transaction par carte bancaire. Voilà. Il suffit de le savoir. Je te laisse réagir. Après, tu prends un tour de parole et ensuite on enchaîne sur la deuxième partie, si ça vous va. Sauf s'il y a des personnes qui n'ont pas parlé, et qui veulent parler maintenant, parce qu'après, il y aura un autre débat après les autres prises de parole. OK ? Voilà, donc c'est pour c'est concernant donc le coût écologique de la blockchain. Donc là dans le forum monnaie, justement, donc là c'est bon, d'accord. Oui, dans le projet de monnaie libre, donc justement il y a cette les développeurs sont conscients donc du coût de développement, donc je veux dire le coût d'utilisation énergétique. Donc il y a des recherches qui sont faites pour avoir des algorithmes les plus efficaces possibles. Donc donc là je suis mal placé pour vous dire exactement dans quelle mesure c'est efficace, mais néanmoins dans l'esprit, donc sur le cas des la génération de ces blockchains doit se faire sur une carte Raspberry Pi, donc c'est-à-dire quelque chose qui consomme pas du tout, qui consomme très peu d'énergie. Donc concrètement, donc on peut le faire fonctionner avec un panneau solaire par exemple. Voilà, c'est en ce moment, donc l'expérimentation pour l'instant est à petite échelle, donc on n'a pas encore le recul qu'on s'est implémenté à l'échelle d'un pays de plusieurs dizaines de millions de personnes. Donc pour l'instant on est une dizaine de milliers. Hop. Ok. Ouais. Bah allez-y du coup, ceux qui n'ont pas parlé d'abord, puis après. Juste très vite sur ce qui est solidarité alimentaire et manière de donner aux gens des moyens de se nourrir eux-mêmes. Et solidarité alimentaire et manière de donner aux gens les moyens de se nourrir eux-mêmes, il y a une initiative qui existe depuis plusieurs années qui s'appelle la monnaie locale, qui est très peu utilisée en Île-de-France, mais ça marche assez bien dans d'autres régions. Il s'agit de distribuer une monnaie qui change de nom Par exemple, en Normandie, c'est l'agnel. On la donne aux personnes les plus défavorisées. Et ils peuvent se servir de cet argent-là uniquement pour acheter auprès de producteurs locaux. Ce qui permet du coup aux producteurs locaux d'être favorisés avec de l'argent qui peut être dépensé que chez eux et à eux d'acheter des choses sur place et souvent qualitativement plus intéressantes, que ce soit alimentaire ou vêtements ou meubles. Oui, je voudrais répondre à la question qui a été dite, où sont les habitants de Gonesse. Ces difficultés qu'on a depuis le début, mais je pense qu'il ne faut pas la masquer ni la cacher. Ce qui est sûr, c'est que la première action qui a été menée en 2011, c'est de vérifier par rapport à Europa City ce que pensaient les gens. Et j'ai un peu l'habitude, au bout d'un quart d'heure, on était sûr que la bagarre serait longue, mais qu'elle avait démarré. C'est-à-dire que on faisait signer une pétition au centre commercial qui est à l'intérieur de la ville. Et si sur toute la journée, on refusait de signer la pétition, toutes les personnes qui s'arrêtaient pour savoir pourquoi on était là, signaient la pétition tout de suite. Ils n'ont jamais compris, et ça a duré jusqu'à l'abandon d'Europa City, où les habitants n'ont jamais compris ce projet. Malgré tous les moyens de communication qu'avait le maire, on a toujours population. Et quand on est présent aux portes du centre commercial, les élus de Gonesse qui défendaient Europa City, Il passait la tête basse et il nous laissait discuter avec les habitants. Il ne se mêlait pas de la conversation. Sur ce terrain-là, ils savent qu'ils sont... Ils sont les multiples bulletins municipaux qui en ont parlé. Donc je crois que là-dessus, par contre, on est sur un territoire, et ce n'est pas la seule commune, où les forces militantes, on n'est pas effectivement à Paris, il n'y a pas le potentiel militant qu'il y a à Paris. Et encore pire, sur Gonesse, il faut savoir qui est peuplée par des pauvres. Donc comme la commune est riche par toutes ses zones d'activité, a beaucoup de ressources, et les quelques forces militantes qu'il y a au niveau des associations de la commune sont tenues financièrement par le maire, par la commune, dont y compris on a essayé de travailler, de se rapprocher des jardins. C'est blocage parce que c'est le poids de la commune. Sur la question quand même du coût du bio, j'ai été enseignant, je pense qu'il y en a d'autres ici qui sont enseignants. Si on regarde le repas scolaire, avec la publicité de la grande distribution, quelquefois notre repas est de meilleure qualité et coûte moins cher que celui des élèves que l'on a. Est-ce qu'on a besoin, tous les repas, d'avoir une canette de soda? Je ne pense pas que ce soit très bon pour la santé. Avec la grande distribution, par la publicité, on a obligé à des habitudes alimentaires de manger mal et pas forcément si bon marché qu'on le prétend. Donc, il n'y a qu'à voir aussi les collectivités qui ont mis les repas en bio. Il y a des collectivités qui travaillent en profondeur, qui ont formé leurs cuisiniers, qui ont changé les menus, qui arrivent à sortir des repas pas plus cher que ce qu'ils avaient avant. Donc, il faut changer un certain nombre d'habitudes, il faut cuisiner certainement davantage, ça prend un peu plus de temps. Mais la question du coût, c'est vrai que les produits sont prêts, les menus, on arrive à manger correctement pour pas beaucoup plus cher. Mais c'est vrai que notre nourriture, il faut avoir l'habitude de la payer plus cher si on veut que la famille proie puisse vendre ses légumes à proximité et pas simplement dans une AMAP dans Paris. Parce que d'habitude, je suis formatrice, donc je parle fort aussi. Non, mais moi, je parle vraiment sur le bio. Dans l'image collective, bien évidemment, c'est plus cher, c'est une évidence. Moi, ce que je comptais, c'est dire que parce qu'on va mettre du bio, ça va être bon, c'est vraiment une erreur. Là, ce que tu as dit, c'est en effet, ils ont changé les méthodes de cuisson et les cuisiniers. C'est pas parce que c'est... Il faut arrêter de dire parce que c'est bon, c'est bio, c'est bon. Non, si c'est mal cuisiné, l'enfant, il revient, il est mécontent parce que la plupart veulent pas de poisson. Et en plus, les parents ont l'idée qu'ils ont payé plus cher alors que c'est bio et ça a servi à rien. Et ça dépend de la... Donc voilà, moi, c'est juste, en tout cas, pour ce qui est des gens que je côtoie, le bio, il faut arrêter de dire que c'est parfait, quoi. Mais si en plus c'est... j'ai pas dit que vous l'aviez dit, mais alors attention, par contre, en tout cas dans la population autour, c'est ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils entendent. On a l'impression qu'il n'y a plus que ça, qu'on peut pas manger autre chose si on n'est pas là-dedans. C'est vraiment autour de... Ah oui, mais dans l'image collective, on peut pas oublier que certains, ils sont ça en tête, quoi. C'est juste ça que je suis en train de dire. Après, il faut l'entendre et communiquer d'une façon que eux peuvent l'entendre aussi. Il faut pas arriver avec le bio, c'est parfait, et parce que pour eux, c'est pas forcément dans leur idée, quoi. Mais c'est juste après, j'ai pas dit que vous l'aviez dit. C'est un état d'esprit qu'il faut changer. Et les collectivités qui ont réussi, elles étaient dans cet état d'esprit. Si c'est pour faire du greenwashing, simplement de dire j'ai mis 20%, 30% de bio, et si les cuisiniers ne sont pas formés à leur métier, s'ils cuisinent comme avant, ce ne sera pas bon. Ok, du coup, on va continuer justement sur solidarité alimentaire et alimentation de qualité. Donc là, il y a trois personnes qui vont prendre la parole. Je crois que c'est d'abord Marco qui va venir nous parler des jardins paysans de Tremblay en France, en lien avec les habitants et leurs nouveaux projets. Et ensuite, on aura des personnes des brigades de solidarité populaire, c'est ça? Et puis, quelqu'un qui va nous parler aussi d'un projet de jardin paysan à Aubervilliers. Donc, on commence par Marco. Ouais, tu veux. Allez, je change la clé. On a un petit point technique, c'est qu'on a besoin de changer le masque du micro, mais on n'a pas de masque. Est-ce que quelqu'un... Le gel... Le gel en...